Hey man, vivait seul depuis que vieux pape était parti. Et elle s'habituait petit à petit. Classait les vieilles photos, faisait des confitures aussi. Pour le fiston qui habitait loin d'ici. Il venait plus personne depuis que vieux pape était parti. Alors elle continuait sa petite vie. Sur le dossier de la chaise où vieux pape était assis, les mains m'avaient laissé son vieux veston pour bien lui montrer si c'est vrai qu'il y a le paradis, qu'il a toujours sa petite place à la maison. La chaise est vide, mais vieille maman fait comme si elle parle avec vieux pape de leur fiston. Il y avait l'orage et il y avait le ciel tout gris. Et vieille maman est sortie voir les voitures. C'est un vieil autobus qui a mis fin à sa couchant vieille mame sur les pavés trop durs. Quand une vieille voisine a prévenu le fiston dans la nuit, il a senti dans son cœur une brûlure. Son pauvre vieux pape était mort. Sur la table, une photo de vieille mame et de lui tout petit. Le vieux veston est sur la chaise encore. Alors il a pleuré en regardant le ciel tout gris. Je voudrais qu'il y ait le paradis, qu'il y ait le paradis, pour que vieille maman et vieux pape soient réunis.